Les sort sa basse, les oiseaux sortent de leur nid. Cuisine tabasse en relâche avec sa grappe comme appui. Demandez à Cuisine de faire du son aigu. Si insulter l'homme, l'homme à l'oreille absolue. Cuisine tape comme un mari. Cuisine tabasse en relâche, il croit pas la nuit. Cuisine a longtemps cru être l'esclave de l'anaconda. Le serpent lui a toujours su posséder ses deux mains. Cuisine à l'école, répondait à la maîtresse. Un sale mauvais selon qui ne pleure pas quand on le fesse. La véranda est hostile, l'accès est interdit. L'anaconda distille ses méfaits favoris. Cuisine est hostile, Cuisine est prêt à attracher toute sa vie. La peste est comme un rat, Cuisine est prolixe, comme le porte sa laxe. Cuisine prend des risques, viens ici, prends ta claque. Cuisine est mon fils. Je ne voudrais pas avoir un pervers plein de vis qui m'emmène par loin. Tu es une abattante de son et son entourage. Il avance tel un lion qui s'échappe de sa cage. La musique développée ici-bas par Cuisine et son anaconda. C'est comme une fleur cueillie un beau matin. Un matin de fièvre, un matin de soif. C'est mes fricots, il est comme un hiéroglyphe. J'aurais découvert Champollion après un cri au gif. Cuisine à les nerfs, fallait bien s'en douter. Il attise tes douleurs, fallait pas l'énerver. Cuisine le vilain comme Ronald McDonald qui a mis trois grains. Cuisine le malsain comme le pire résultat. Cuisine le mauvais comme Capitaine Crochet. Et quand Cuisine projette, il pense qu'il a mal joué. La véranda est hostile. Saigner d'interdit, l'anaconda distille ses méfaits favoris. Si un jour tu cherches cette terrible véranda, abandonne tes recherches, car ta mère tient à toi. Tu es aimé hostile, tu es aimé prêt à attracher toute sa ville, à pêcher.